Longtemps, le clergé s'était abstenu, plein de doutes lui-même et d'inquiétudes. Le curé de Lourdes, l'abbé Peyramale, était un homme rude, d'une infinie bonté, d'une droiture et d'une énergie admirables, quand il croyait être dans le bon chemin. La première fois qu'il reçut la visite de Bernadette, il accueillit presque aussi durement que le commissaire de police cet enfant élevé à Bartrès, qu'on n'avait pas vu encore au catéchisme. Il refusa de croire à son histoire, lui commanda avec quelque ironie de prier la dame de faire avant tout fleurir l'églantier qui était à ses pieds, ce que la dame ne fit pas d'ailleurs. Et si plus tard il finit par prendre l'enfant sous sa garde, en bon pasteur qui défend son troupeau, ce fut lorsque les persécutions commencèrent et qu'on parla d'emprisonner cette chétive, aux clairs yeux si francs, au récit entêté dans sa douceur modeste. Puis, pourquoi donc aurait-il continué à nier le miracle, après en avoir simplement douté, en curé prudent, peu désireux de mêler la religion à une aventure louche? Les livres saints sont pleins de prodiges. Tout le dogme est basé sur le mystère. Dès lors, aux yeux d'un prêtre, rien ne s'opposait à ce que la Vierge eût chargé cette enfant pieuse d'un message pour lui, en lui faisant dire de bâtir une église où les fidèles se rendraient en procession. Et ce fut ainsi qu'il se mit à aimer et à défendre Bernadette, pour son charme, tout en se tenant correctement à l'écart, dans l'attente de la décision de son évêque. Cet évêque, Monseigneur Laurence, semblait s'être enfermé au fond de son évêché de Tarbes, sous de triples verrous, gardant le plus absolu silence, comme s'il ne se passait à Lourdes aucun fait de nature à l'intéresser. Il avait donné à son clergé des ordres sévères, et pas un prêtre ne s'était montré encore parmi les grandes foules qui passaient les journées devant la grotte. Il attendait. Il laissait dire au préfet, dans les circulaires administratives, que l'autorité civile marchait d'accord avec l'autorité religieuse. Au fond, il ne devait pas croire aux apparitions. Il ne voyait là, sans doute, comme les médecins, que l'hallucination d'une fillette malade. L'aventure qui révolutionnait le pays était d'assez grosse importance pour qu'il la fît étudier soigneusement, au jour le jour, et la façon dont il s'en désintéressa si longtemps prouve combien peu il admettait le prétendu miracle, n'ayant que l'unique souci de ne pas compromettre l'Église avec une histoire destinée à mal finir. Monseigneur Laurence, très pieux, était une intelligence froide et pratique qui apportait un grand bon sens dans le gouvernement de son diocèse. À l'époque, les impatients, les ardents, le surnommèrent Saint Thomas pour la persistance de son doute, jusqu'au jour où il eut la main forcée par les faits. Il refusait d'entendre et de voir, bien résolu à ne céder que si la religion n'avait rien à y perdre. Mais les persécutions allaient s'accentuer. Le ministre des cultes, à Paris, prévenu, exigeait que tout désordre cessât, et le préfet venait de faire occuper militairement les abords de la grotte. Déjà, le zèle des fidèles, la reconnaissance des personnes guéries, l'avaient orné de vases de fleurs. On y jetait des pièces de monnaie, les cadeaux affluaient pour la Sainte Vierge. C'était aussi des aménagements rudimentaires qui s'organisaient d'eux-mêmes. Des carriers avaient taillé une sorte de réservoir afin de recevoir l'eau miraculeuse. D'autres enlevaient les grosses pierres, traçaient un chemin au flanc du coteau. Et ce fut devant le flot grossissant de la foule que le préfet, après avoir renoncé à l'arrestation de Bernadette, prit la grave détermination de défendre l'approche de la grotte en la bouchant à l'aide d'une forte palissade. Des faits fâcheux s'étaient produits, des enfants prétendaient avoir vu le diable, les uns coupables de simulation, les autres cédant à de véritables attaques, dans la contagion de folie qui soufflait. Mais quelle affaire que le déménagement de la grotte! Le commissaire trouva seulement vers le soir une fille qui consentit à lui louer une charrette, et 2 heures plus tard, cette fille étant tombée, se brisa net une côte. De même, un homme qui avait prêté une hache eut le lendemain le pied écrasé par la chute d'une pierre. Au crépuscule, enfin, le commissaire emporta, sous les huées, les pots de fleurs, les quelques cierges qui brûlaient, les sous et les cœurs d'argent jetés sur le sable. On serrait les poings, on le traitait sourdement de voleur et d'assassin. Puis, il y eut les pieux de la palissade plantée, les planches clouées, tout un travail qui fermait le mystère, barrait l'inconnu, mettait en prison le miracle. Et les autorités civiles eurent la naïveté de croire que c'était fini, que ces quelques planches allaient arrêter les pauvres gens, affamés d'illusions et d'espoir. Dès qu'elle fut proscrite, traquée par la loi comme un délit, la religion nouvelle brûla d'une flamme inextinguible au fond de toutes les âmes. Les croyants venaient quand même en plus grand nombre, s'agenouillaient à distance, sanglotaient en face du ciel défendu. Et les malades, les pauvres malades surtout, auxquels un arrêté barbare interdisait la guérison, se ruaient malgré les défenses, se glissaient par les trous, franchissaient les obstacles dans l'unique et ardent désir de voler de l'eau. Comment ! Il y avait là une eau prodigieuse qui rendait la vue aux aveugles, qui redressait les estropiés, qui soulageait instantanément toutes les maladies, et il s'était trouvé des hommes en place assez cruels pour mettre cette eau sous clé afin qu'elle cessât de guérir le pauvre monde ? Mais c'était monstrueux ! Un cri d'exécration montait du petit peuple, de tous les déshérités qui avaient besoin de merveilleux autant que de pain pour vivre. D'après l'arrêté, des procès-verbaux devaient être dressés aux délinquants. Et ce fut ainsi qu'on put voir, devant le tribunal, un lamentable défilé de vieilles femmes, d'hommes éclopés, coupables d'avoir puisé à la fontaine de vie. Ils bégayaient, suppliaient, ne comprenaient pas quand on les frappait d'une amende. Et dehors, la foule grondait, une furieuse impopularité grandissait contre ces magistrats si durs à la misère d'ici-bas, ces maîtres sans pitié qui, après avoir pris toute la richesse, ne voulaient pas même permettre aux pauvres le rêve de l'au-delà, la croyance qu'une puissance supérieure et bonne s'occupait d'eux maternellement. Par un triste matin, une bande de miséreux et de malades s'en alla trouver le maire. Ils s'agenouillèrent dans la cour, ils le conjurèrent avec des sanglots de faire rouvrir la grotte. Et ce qu'ils disaient était si pitoyable que tout le monde pleurait. Une mère présentait son enfant à demi-mort. Est-ce qu'on le laisserait s'éteindre ainsi à son cou, lorsqu'une source était là qui avait sauvé les enfants des autres mères ? Un aveugle montrait ses yeux troubles, un pâle garçon scrofuleux étalait les plaies de ses jambes, une femme paralytique tâchait de joindre ses mains tordues. Voulait-on leur mort ? Leur refuserait-on la chance divine de vivre, puisque la science des hommes les abandonnait ? Et la détresse des croyants était aussi grande de ceux qui étaient convaincus qu'un coin de ciel venait de s'ouvrir dans la nuit de leur non-existence, et qui s'indignaient qu'on leur enlevât cette joie de la chimère, ce suprême soulagement à leur souffrance humaine et sociale, de croire que la Sainte Vierge était descendue leur apporter l'infinie douceur de son intervention. Le maire n'avait pu rien promettre, et la foule s'était retirée pleurante, prête à la rébellion, comme sous le coup d'une grande injustice, d'une cruauté imbécile envers les petits et les simples, dont le ciel tirerait vengeance. Pendant plusieurs mois, la lutte continua, et ce fut un spectacle extraordinaire que ces hommes de bon sens, le ministre, le préfet, le commissaire de police, animés certainement des meilleures intentions, se battant contre la foule toujours croissante des désespérés qui ne voulaient pas qu'on leur fermât la porte du rêve. Les autorités exigeaient l'ordre, le respect d'une religion sage, le triomphe de la raison. Tandis que le besoin d'être heureux emportait le peuple au désir exalté du salut dans ce monde et dans l'autre. Oh, ne plus souffrir, conquérir l'égalité du bonheur, ne plus marcher que sous la protection d'une mère juste et bonne, ne mourir que pour se réveiller au ciel. Et c'était forcément ce désir brûlant des multitudes, cette folie sainte de l'universelle joie, qui devait balayer la rigide et morose conception d'une société bien réglée, où les crises épidémiques des hallucinations religieuses sont condamnées comme attentatoires au repos des esprits saints. À cette heure, la salle Sainte-Honorine elle-même se révoltait. Pierre, de nouveau, dut interrompre un instant sa lecture, devant les exclamations étouffées qui traitaient le commissaire de Satan et d'Hérode. La grivotte s'était levée sur son matelas, bégayante. « Ah ! Les monstres ! La bonne Sainte Vierge qui m'a guérie !» Et Madame Vêtu, elle aussi reprise d'espérance, dans la sourde certitude qu'elle allait mourir, se fâchait à cette idée que, si le préfet l'avait emportée, la grotte n'existerait pas. Alors, il n'y aurait pas de pèlerinage ? Nous ne serions pas là, nous ne guéririons pas par centaines chaque année. » Une suffocation la saisit, et il fallut que sœur Hyacinthe vînt l'asseoir sur son séant. Madame de Jonquière profitait de l'interruption pour passer le bassin à une jeune femme, atteinte d'une maladie de la moelle. Deux autres femmes, qui ne pouvaient rester sur le lit tant la chaleur était intolérable, rôdaient à petits pas silencieux, toutes blanches dans les ombres fumeuses. Et il y avait, au bout de la salle, sortant des ténèbres, un souffle pénible qui n'avait pas cessé, accompagnant la lecture d'un bruit de râle. Seule, étendue sur le dos, Élise Rouquet dormait, paisible, étalant sa plaie affreuse en train de se sécher. Il était minuit un quart, et d'un moment à l'autre, l'abbé Judaine pouvait arriver pour la communion. La grâce rentrait au cœur de Marie. Elle était convaincue maintenant que, si la Sainte Vierge avait refusé de la guérir, la faute en était sûrement à elle, qui avait eu un doute en descendant dans la piscine. Et elle se repentait de sa rébellion, comme d'un crime. Pourrait-elle jamais être pardonnée? Sa face pâlie s'était affaissée parmi ses beaux cheveux blonds, ses yeux s'emplissaient de larmes. Elle regardait Pierre avec une tristesse éperdue. « Oh, mon ami, que j'ai été mauvaise! Et c'est en écoutant les crimes d'orgueil de ce préfet et de ces magistrats que j'ai compris ma faute. Il faut croire, mon ami, il n'y a pas de bonheur en dehors de la foi et de l'amour. » Puis, comme Pierre voulait s'arrêter là, toutes s'exclamèrent, exigèrent la suite, et il dut promettre d'aller jusqu'au triomphe de la grotte. La palissade la barrait toujours. Il fallait venir de nuit, en cachette, lorsqu'on voulait prier et emporter une bouteille de l'eau volée. Cependant, les craintes d'émeute grandissaient. On racontait que les villages de la montagne devaient descendre pour délivrer Dieu. C'était la levée en masse des humbles, une poussée si irrésistible des affamés du miracle, que le simple bon sens, le simple bon ordre, allait être balayé comme paille. Et ce fut Monseigneur Laurence, dans son évêché de Tarbes, qui dut se rendre le premier. Toute sa réserve, tous ses doutes, se trouvaient débordés par le mouvement populaire. Il avait pu, pendant 5 grands mois, se tenir à l'écart, empêcher son clergé de suivre les fidèles à la grotte, défendre l'Église contre ce vent déchaîné de superstition. Mais à quoi bon lutter davantage ? Il sentait si grande la misère de son peuple de fidèles qu'il se résignait à lui donner le culte idolâtre dont il le sentait avide. Pourtant, par un reste de prudence, il rendit simplement une ordonnance qui nommait une commission chargée de procéder à une enquête. C'était l'acceptation des miracles à une échéance plus ou moins lointaine. Et si Monseigneur Laurence était l'homme de saine culture, de raison froide qu'on s'imagine, ne peut-on se représenter son angoisse le matin du jour où il signa cette ordonnance? Il dut s'agenouiller dans son oratoire, supplier le Dieu souverain du monde de lui dicter sa conduite. il ne croyait pas aux apparitions. Il avait des manifestations de la divinité, une idée plus haute, plus intellectuelle. Seulement, n'était-ce pas pitié et miséricorde que de faire taire les scrupules de son intelligence, les noblesses de son culte, devant la nécessité de ce pain du mensonge dont la pauvre humanité a besoin pour vivre heureuse? Oh mon Dieu, pardonnez-moi, si je vous fais descendre de la puissance éternelle où vous êtes, si je vous rabaisse à ce jeu enfantin des miracles inutiles. C'est vous faire injure que de vous risquer dans cette aventure pitoyable, où il n'y a que maladie et déraison. Mais, oh mon Dieu, ils souffrent tant, ils ont une si grande faim de merveilleux, de contes de fées, pour distraire leur douleur de vivre. Vous-même, s'ils étaient vos ouailles, vous aideriez à les tromper. Que l'idée de votre divinité y perde, et qu'il soit consolé sur cette terre. » Et l'évêque, en larmes, avait ainsi fait le sacrifice de son Dieu à sa charité frémissante de pasteur pour le lamentable troupeau humain. Puis l'empereur, le maître, à son tour, se rendit. Il était alors à Biarritz. On le renseignait journellement sur cette affaire des apparitions, dont tous les journaux de Paris s'occupaient, car la persécution n'aurait pas été complète si l'encre des journalistes voltairiens ne s'y était mêlée. Et l'empereur, pendant que son ministre, son préfet, son commissaire de police se battaient pour le bon sens et pour le bon ordre, gardait ce grand silence de rêveur éveillé où personne n'était jamais descendu. Des pétitions arrivaient quotidiennement et il se taisait. Des évêques venaient l'entretenir, de grands personnages, de grandes dames de son entourage guettaient, l'emmenaient à l'écart, et il se taisait. Tout un combat sans trêve se livrait autour de sa volonté. D'une part les croyants, ou simplement les têtes chimériques que passionnait le mystère, de l'autre les incrédules, les hommes de gouvernement, qui se défient des troubles de l'imagination. Et il se taisait. Brusquement, dans sa décision de timide, il parla. Le bruit courut qu'il s'était décidé devant les supplications de l'impératrice. Elle intervint sans doute, mais il y eut surtout, chez l'empereur, un réveil de son ancien rêve humanitaire, un retour de sa pitié réelle pour les déshérités. Comme l'évêque, il ne voulut pas fermer aux misérables la porte de l'illusion, en maintenant l'arrêté impopulaire du préfet, qui défendait d'aller boire la vie à la fontaine sainte. Et il envoya une dépêche, l'ordre bref d'abattre la palissade pour que la grotte fût libre. Alors, ce fut l'hosanna, ce fut le triomphe. On cria le nouvel arrêté sur les places de Lourdes au roulement du tambour, aux fanfares de la trompette. Le commissaire de police, en personne, dut procéder à l'enlèvement de la palissade. Ensuite, on le déplaça, ainsi que le préfet. Les populations arrivaient de toutes parts, on organisait le culte à la grotte. Et un cri d'allégresse divine montait. Dieu avait vaincu. Dieu ? Hélas, non, mais la misère humaine, l'éternel besoin de mensonges, cet espoir du condamné qui s'en remet pour son salut aux mains d'une toute puissance invisible, plus forte que la nature, seule capable d'en briser les lois inexorables. Et ce qui avait vaincu encore, c'était la pitié souveraine des conducteurs du troupeau, l'évêque et l'empereur miséricordieux, laissant aux grands enfants malades le fétiche qui consolait les uns et qui, parfois même, guérissait les autres. Dès le milieu de novembre, la commission épiscopale vint procéder à l'enquête dont elle était chargée. Elle interrogea Bernadette une fois de plus, elle étudia un grand nombre de miracles. Pourtant, elle ne retint que 30 guérisons, pour que l'évidence fût absolue. Et Monseigneur Laurence se déclara convaincu. Il fit preuve cependant d'une prudence dernière. Il attendit 3 années encore avant de déclarer, dans un mandement, que la Sainte Vierge était réellement apparue à la grotte de Massabielle et que des miracles nombreux s'y étaient ensuite produits. il avait acheté de la ville de Lourdes, au nom de l'évêché, la grotte avec le vaste terrain qui l'entourait. Des travaux s'exécutèrent, modestes d'abord, bientôt de plus en plus importants, à mesure que l'argent affluait de toute la chrétienté. On aménageait la grotte, on la fermait d'une grille. Le gave était rejeté au loin dans un lit nouveau pour établir de larges approches, des gazons, des allées, des promenades. Enfin, l'église que la Sainte Vierge avait demandée, la basilique, commençait à sortir de terre, au sommet de la roche même. Depuis le premier coup de pioche, le curé de Lourdes, l'abbé Peyramale, dirigeait tout avec un zèle excessif, car la lutte avait fait de lui le croyant le plus ardent, le plus sincère de l'œuvre. Avec sa paternité un peu rude, il s'était mis à adorer Bernadette. Il se donnait corps et âme à la réalisation des ordres qu'il avait reçus du ciel, par la bouche de cette innocente. Et il s'épuisait en efforts dominateurs. Et il voulait que tout fût très beau, très grand, digne de la reine des anges, qui avait daigné visiter ce coin de montagne. La première cérémonie religieuse n'eut lieu que 6 ans après les apparitions, le jour où l'on installa en grande pompe, dans la grotte, une statue de la Vierge, à l'endroit où celle-ci était apparue. Ce matin-là, par un temps magnifique, Lourdes s'était pavoisée, toutes les cloches sonnaient. 5 ans plus tard, en 1869, la première messe fut dite dans la crypte de la basilique, dont la flèche n'était point terminée. Les dons augmentaient sans cesse, un fleuve d'or coulait, une ville entière allait pousser du sol. C'était la religion nouvelle qui achevait de se fonder. Le désir de guérir guérissait. La soif du miracle faisait le miracle. Un Dieu de pitié et d'espoir sortait de la souffrance de l'homme, de ce besoin d'illusion consolatrice qui, à tous les âges de l'humanité, a créé les merveilleux paradis de l'au-delà, où une toute-puissance rend la justice et distribue l'éternel bonheur. Aussi, les malades de la salle Sainte-Honorine ne voyaient-ils, dans la victoire de la grotte, que leurs espérances de guérison triomphante. Et il y eut, le long des lits, un frémissement de joie lorsque Pierre, le cœur remué par tous ces pauvres visages qui se tendaient vers lui, avides de certitude, répéta « Dieu avait vaincu, et les miracles n'ont pas cessé depuis ce jour, et ce sont les plus humbles créatures qui sont les plus soulagées. » Il posa le petit livre. L'abbé Judaine entrait. La communion allait commencer. Mais Marie, reprise par la fièvre de la foi, les mains brûlantes, se pencha. « Mon ami, oh, rendez-moi le grand service d'écouter l'aveu de ma faute et de m'absoudre. J'ai blasphémé. Je suis en état de péché mortel. Si vous ne venez à mon aide, je ne pourrai recevoir la communion. Et j'ai tant besoin d'être consolée et raffermie. » Le jeune prêtre refusait du geste. Jamais il n'avait voulu confesser cette amie, la seule femme qu'il eût aimée et désirée aux saines et rieuses années de jeunesse. Mais elle insistait. « Je vous en conjure, c'est au miracle de ma guérison que vous aiderez. » Et il céda. Il reçut l'aveu de sa faute, de la révolte impie de sa souffrance contre la Vierge, restée sourde à ses prières. Puis, il lui donna l'absolution avec les paroles sacramentelles. Déjà, l'abbé Judaine avait posé le ciboire sur une petite table entre 2 flambeaux allumés, 2 étoiles tristes dans la demi-obscurité de la salle. On venait de se décider à ouvrir toutes grandes les fenêtres, tellement l'odeur de ces corps souffrants et de ces loques entassés était devenue insupportable. Mais il n'entrait aucun air. La cour étroite, pleine de nuit, ressemblait à un puits embrasé. Pierre s'offrit comme servant, et il récita le Confiteor. Puis l'aumônier, en aube, après avoir dit le Miserere tour et l'Indulgentiam, éleva le ciboire. Voici l'anneau de Dieu qui efface les péchés du monde. » Chacune des femmes, qui attendait impatiemment la communion, tordue de mots, comme le moribond attend la vie d'une potion nouvelle, lente à venir, répétait par trois fois cet acte d'humilité à bouche fermée. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez chez moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. » L'abbé Judaine avait commencé à faire le tour des lits lamentables, suivi de Pierre, tandis que madame de Jonquière et sœur Hyacinthe les accompagnaient, chacune un flambeau à la main. La sœur désignait celle des malades qui devaient communier, et le prêtre se penchait, déposait l'hostie sur la langue, un peu au hasard, en murmurant les paroles latines. Toutes se soulevaient, les yeux grands ouverts et luisants, au milieu du désordre de l'installation trop prompte. Il fallut pourtant en réveiller deux, qui s'étaient profondément endormis. Beaucoup geignaient sans en avoir conscience, recommençaient à geindre après avoir reçu Dieu. Au fond de la salle, le râle de celle qu'on ne voyait pas continuait, et rien n'était plus mélancolique que le petit cortège dans les demi-ténèbres, étoilé par les deux taches jaunes des cierges. Mais ce fut une apparition divine que le visage de Marie, rendu à l'extase. On avait refusé la communion à la Grivotte, qui devait communier le matin au rosaire, affamée du pain de vie. Et madame vêtue, muette, venait de recevoir l'hostie sur sa langue noire, dans un hoquet. Maintenant, Marie était là, sous la lueur pâle des flambeaux, si belle parmi ses cheveux blonds, avec ses yeux élargis, ses traits transfigurés par la foi, que tous l'admirèrent. Elle communia éperdument. Le ciel descendait visiblement en elle, dans son pauvre corps de jeunesse, réduit à une telle misère physique. Un instant encore, elle retint Pierre par la main. « Oh, mon ami, elle me guérira, elle vient de me le dire. Allez vous reposer. Moi, je vais dormir d'un si bon sommeil. » Lorsqu'il se retira avec l'abbé Judaine, Pierre aperçut la petite madame des Agneaux dans le fauteuil où la fatigue l'avait comme foudroyée. Rien n'avait pu la réveiller. Il était 1h30 du matin. Et madame de Jonquière, aidée de sœur Hyacinthe, allait toujours retourner les malades, les nettoyait, les pansait. Mais la salle se calmait cependant, tombait à une lourdeur obscure plus douce depuis que Bernadette y avait passé, avec son charme. La petite ombre de la voyante errait à présent parmi les lits, triomphale, ayant fait son œuvre, apportant un peu du ciel à chaque déshérité, à chaque désespéré de cette terre. Et, pendant que toutes glissaient au sommeil, elle la voyait qui se penchait, elle, si chétive, si malade aussi, et qui les baisait en souriant.